je vois ma petite amie qui me sourit. Parfois je me dis, elle est folle. Je me dis qu'elle est folle. Playboy, c'est vrai, je l'avoue, je n'ai pas de bagnole, car je veux à pied à tous ces rendez-vous. Je me dis qu'elle est folle, qu'il faudrait l'enfermer, mais elle est mon idole, et je veux la garder. Oh, oh, oh. Playboy, c'est vrai, je l'avoue, je n'ai pas de bagnole, et je vais à pied à tous ces rendez-vous.